Souvent je me regarde dans le miroir et c'est que je me trouve pas beau. Toutes ces pensées sont si noires que je m'arracherai la peau. Le suicide n'est pas une option mais une libération. Automutilation c'est pas normal, c'est une déviation. Chaque fois que je suis dans pénombre on dirait que ma vie c'est un jeu de cartes. Quand j'obtiens pas le bon nom à chaque fois je prends une débarque. La solitude est mon démon, je suis comme caméléon. Je me fonds la main, je me pète la face puis je fais du surplace. Me demande souvent si je suis conscient dans le monde que je vis. Trop de perte de gens c'est agressant, plus les soeurs de couvent. Je suis dépressif, pas solitaire, je suis défensif, long linéaire. Anxiolytique, pas une lumière, je suis productif, fuck petite cuillère. Je suis le prédateur de mes pensées. D'où les plus sombres sont toutes nées. Je suis le créateur de mes élancées. Perdu dans l'ombre, je n'ai pas de clé. On va finir tous pendus dans ce monde de misère. Je vise toujours l'inattendu. Un jour fermeront mes paupières, mais je couvre le néant, le destin flamboyant. Je sais que je suis pas prudent et je suis un fainéant. Parfois j'ai l'impression que j'écris mieux quand je suis triste. Ce que je tracerai dans ma tête, ça explose comme un séisme. Ça m'arrache dans la vie quand on me traite d'égoïste. Parce que dans la vie, je suis une personne qui est très altruiste. Jamais j'aurai assez de gosses pour tout reconstruire. On a beau me dire que je suis fort, c'est dur dans la vie se rétablir. C'est pas la première fois que je pars dans un délire. Je me décharge chaque jour, je commence trop à pâlir. C'est pas plus qu'un élixir. Dans ma ligne de mire, je commence à m'affaiblir. À force de vieillir, d'année en année, je vois ma vie ramollir. Je suis condamné à ne jamais m'accomplir. Je vise vers les étoiles, ce monde n'est pas fait pour moi. Des crises de cardiales, à chaque fois que je bois. T'as compris que j'ai mal, et c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. On va finir tous pendus dans ce monde de misère. Je vise toujours l'inattendu. Un jour ferme mes paupières, mais je couvre le néant, le destin flamboyant. Je sais que je suis pas prudent et je suis un fainéant.